t'offrir ce bouquet de saison contre un bout de bonheur. Je perds la raison. Je voudrais revenir tout près de la maison, te voir enfin sourire et demander pardon au pays de mes joies, de nos années fruitées. Quand j'étais près de toi, tout était si parfait. J'aurais pas dû mentir quand tu voulais me voir. On aurait pu se dire et ne pas s'en vouloir. Je voudrais revenir avant les années sombres, quand j'écoutais tes rires déraciner les ombres au pays de mes joies, de nos années fruitées. Quand j'étais près de toi, tout était si parfait. Au pays de mes joies, de nos années sucrées, le monde autour de toi, la terre, la terre où tu m'aimais, où tu m'aimais, où tu m'aimais. Je me dis quelquefois que tu vas. De moins belles saisons et s'égrènent mes jours si loin de ton amour. Notre vie s'est jaunie et toutes nos années si doucement s'oublient sur des bouts de papier. Oh, au pays de mes joies, nos années fruitées, quand j'étais près de toi, tout était si parfait. Au pays de mes joies, de nos années sucrées, le monde autour de toi, la terre où tu m'aimais. Me réveille et te laisser me dire sans faire la sourde oreille.